House by the Railroad. House by the Railroad, peint en 1925, est une huile sur toile presque carrée, d'environ 65 cm de côté. Le tableau est conservé au Museum of Modern Art de New York. Dans ce tableau, Hopper adopte un point de vue original. Une maison néo-victorienne qui occupe la quasi-totalité de la toile semble posée sur une voie ferrée. Le peintre place le spectateur en contrebas de la voie ferrée, ce qui accentue ce sentiment de grandeur. C'est une maison en bois à deux étages, accolée à une tour carrée de trois étages. Le toit est gris sombre, surmonté de trois cheminées écarlates. Deux façades de la maison sont visibles. Elles sont percées de plusieurs fenêtres. La lumière jaune acide venant de la gauche, les ombres noires à droite, l'absence de présence humaine, créent un sentiment d'étrangeté. Peu de matière picturale pour cette œuvre. On aperçoit d'ailleurs le dessin préparatoire. Cette œuvre rappelle certaines photos d'architecture de Matthew Brady, que Hopper admirait. Elle inspirera à son tour Hitchcock, dans le film Psychose. Hopper établit un contraste entre l'architecture fin 19e de la maison et la voie ferrée qui incarne la modernité de l'Amérique. Maison hantée. La maison est coupée par la voie ferrée. Deux temporalités, deux époques se superposent et s'affrontent. La bâtisse est le vestige d'un temps révolu, celui d'une Amérique qui n'avait pas encore brisé ses liens avec l'Europe, avec ses ordres architecturaux hérités du classicisme français, avec ceux d'une antiquité gréco-romaine plus lointaine encore. Hopper jette sur ce monde nouveau un regard teinté d'ironie et de scepticisme. Il est le témoin de l'inexorable processus de standardisation des goûts et des valeurs, de l'assujettissement de l'humanité aux impératifs de la consommation de masse. Les maisons néo-victoriennes peintes par Hopper, celles photographiées par Matthew Brady ou peintes par Charles Birchfield, portent les valeurs d'une culture de la mesure, de la retenue puritaine que menace le gigantisme conquérant des gratte-ciels. Familière et étrange à la fois, la maison près de la voie ferrée est nimbée du mystère des cités fantomatiques de Giorgio De Chirico. Rien d'étonnant à ce qu'Alfred Hitchcock en ait fait l'antre de la momie de son film Psychose. Des maisons victoriennes à Psychose, une vocation d'architecte. Enfant, Hopper a rêvé de devenir architecte naval. Une vocation qu'il assouvira partiellement en 1934 en concevant les plans de l'atelier qu'il fera ériger à Cape Cod. Ignorant les gratte-ciels emblématiques du New York moderne, il a préféré les constructions au style éclectique de la Nouvelle-Angleterre du milieu du 19e siècle, représentatif pour lui d'un âge d'or de la civilisation américaine. Nos architectures vernaculaires, à la beauté hideuse, avec leurs toits fantastiques, pseudo-gothiques, ou mansardés à la française, coloniales, éclectiques et pire encore, avec leurs couleurs criardes ou leur délicate harmonie de peinture délavée, appuyées les unes contre les autres, le long de rues interminables qui se perdent au loin dans des marécages ou des décharges publiques. Elles se répètent sans fin, comme il doit en être dans toute représentation scrupuleuse de la scène américaine. Le mystère de la chambre noire. Hopper admirait les photographies de Matthew Brady. Témoin de la guerre de sécession, Brady avait installé sa chambre photographique sur les sites les plus importants, poste de commandement, champ de bataille. Comme celle de Eugène Adjé qu'admirait Hopper, les images de Brady sont empreintes d'un mystère lié à la fréquente absence de toute présence humaine. N'ignorant rien de la passion de Hopper pour le travail de Brady, Joséphine lui offre en 1936 les 12 volumes regroupant les œuvres du photographe. Entre Freud et Hitchcock. Dès sa première exposition publique, House by the Railroad a frappé la critique, qui en a salué la puissance formelle et l'étrangeté. Son caractère, à la fois familier et vaguement angoissant, en fait une parfaite matérialisation de cette inquiétante étrangeté théorisé par Sigmund Freud dans son ouvrage de 1919. Nombre de langues modernes ne peuvent pas du tout rendre notre expression « une maison unheimlich » autrement que par la formule « une maison hantée ». Dans son film Psychose, Alfred Hitchcock s'inspire sans ambiguïté de la maison de Hopper pour en faire l'inquiétante demeure de Norman Bates. House by the Railroad prêtera sa silhouette à Phantom Manor, la maison hantée de Disneyland Paris. De Jim Jarmusch à Terrence Malick, qui dans Moisson du ciel donne lui aussi forme à la maison près de la voie ferrée, toute l'œuvre de Hopper n'aura cessé de constituer une riche source d'inspiration pour le cinéma.